J'ai rencontré ma mère et j'ai vu qu'elle pleurait. Elle comprend combien je t'aime. Elle sait que je t'appartiens. Hier, j'ai rencontré ma mère. Elle n'osait pas me parler. Ses yeux avaient tant de peine que moi aussi j'en ai pleuré. Elle croyait avoir perdu mon amour et que je l'avais quitté pour toujours. Que je t'aime et que je viens souvent chercher l'amour au creux de tes bras. Hier, j'ai rencontré ma mère. Pour elle, il n'y a plus de joie. J'entends encore sa prière. Pense quelquefois à moi. Elle croit que depuis que je suis à toi, je l'ai oublié et que cette fois, elle ne peut pas lutter contre l'amour, puisqu'elle aussi l'a connu. J'ai rencontré ma mère et j'ai vu qu'elle pleurait. Elle comprend combien je t'aime. Elle sait que je t'appartiens.